La signification de l'istihlal par l'imam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Il dit dans Sarim al-Masloun à la page 521-522: lorsque le serviteur fait un péché en ayant conviction qu'Allah le lui a interdit et se soumet à l'ordre d'Allah en son fort intérieur, à l'interdiction d'Allah et de ce qu'il a exigé, celui-là n'est pas mécréant. Mais s'il croit qu'Allah ne l'a pas interdit, ou bien qu'il croit qu'il l'a interdit mais qu'il refuse d'accepter cette interdiction et refuse de l'obéir et de se soumettre, alors il a soit renié, soit il s'est entêté. Et c'est pour cela qu'ils disent: celui qui désobéit Allah par orgueil comme Iblis, il est mécréant à l'unanimité. Quant à celui qui désobéit par tentation, il n'est pas mécréant selon les gens de la Sunna, mais il est mécréant d'après les Khawarij. Quant à celui qui désobéit par orgueil, même s'il croit qu'Allah est réellement son Seigneur, eh bien son entêtement et son opposition dénient cette reconnaissance. La preuve de cela est que celui qui commet une interdiction par istihlal est un mécréant à l'unanimité. En effet, celui qui ne croit pas en l'interdiction de ce que le Coran interdit, il n'a pas foi au Coran, et de même s'il le légalise sans le commettre. Car l'istihlal est le fait de croire qu'Allah ne l'a pas interdit, ou d'autres fois, c'est de ne pas croire qu'Allah l'a interdit, et ceci est du même domaine de la foi en la seigneurie et de la foi en la prophétie. C'est le reniement pur et infondé. Et certaines fois, il consiste à savoir qu'Allah l'a interdit et que le messager n'interdit que ce qu'Allah interdit, mais de refuser d'adhérer à cette interdiction et de s'opposer à celui qui l'a interdit. Et ceci est une mécréance pire que celui d'avant. Ceci pouvant être malgré son savoir que celui qui ne se soumet pas à cette interdiction sera puni par Allah et châtié. Ce refus et cette insoumission peuvent soit être la cause d'un problème dans la foi, en la sagesse d'Allah qui l'ordonna, ou de sa toute-puissance. Cela le mène à ne pas croire en l'un des attributs d'Allah. Ou bien cela peut venir d'une personne qui sait tout cela et y croit, mais par révolte ou suivi aveugle de ses caprices, et c'est en réalité de la mécréance. Car il avoue tout ce qu'Allah et son messager ont annoncé, et il croit que c'est vrai, et croit en tout ce que croit le croyant, mais il n'aime pas cela et le déteste, et cela le courrouce, car cela s'oppose à sa volonté et son désir. Il dit: je n'accepte pas cela, et je n'y adhère pas, et je déteste cette vérité et je m'en détourne. Et ceci est différent du premier cas, et le statut de mécréance d'une telle personne est inévitablement connu en religion de l'islam. Et le Coran est rempli de tekfir de ce genre de catégorie, et son châtiment est même pire. La définition du mot din. On traduit souvent le terme arabe din par religion, mais cette traduction reste imprécise. C'est pourquoi je vais détailler la signification du mot din. Allah a dit dans Surat Yusuf, verset 76: car il ne pouvait pas se saisir de son frère selon le din du roi. Ibn Jarir dit dans le tafsir de ce verset, volume 16, page 187: sa parole, car il ne pouvait pas se saisir de son frère selon le din du roi. Il dit que Yusuf ne pouvait se saisir de son frère selon le jugement du roi d'Égypte, son décret et son obéissance. Ibn Kathir dit la même chose. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit dans Sharh al-Amda à la page 86: la réalité du din, c'est l'obéissance et la soumission, et ceci ne peut s'accomplir que par l'acte et non par la parole uniquement. Celui qui ne fait rien pour Allah n'a aucun din, et celui qui n'a pas de din est un mécréant. Fin de citation. Celui qui place l'obéissance envers lui en dehors d'Allah s'est mis en réalité avec Allah. Or l'obéissance, c'est ce qu'on ordonne et interdit, et ce qu'on légifère. Celui qui impose quelque chose ou interdit, ou bien instaure une loi sans référer à la loi d'Allah, alors il a établi un jugement qui lui est propre. Ibn Taymiyyah dit aussi dans Qa'ida fi Mahabba, page 32: l'amour et la volonté sont le fondement de tout din, que cela soit un din pieux ou un din corrompu, car le din englobe les actes intérieurs et extérieurs. Or, l'amour et la volonté sont le fondement de tout cela, et le din est l'obéissance, l'adoration et la moralité. C'est donc l'obéissance permanente et inséparable qui devient une habitude et une moralité, contrairement à l'obéissance temporaire qui n'arrête qu'une fois. C'est pour cette raison que le terme din est interprété comme signifiant l'habitude et la moralité. On interprète également la moralité comme signifiant le din, comme pour la parole d'Allah. Et tu es certes une moralité imminente. Sourate 68, verset 4. Ibn Abbas dit d'un din imminent. Fin de citation. Il dit au sujet du combat des Tatars dans Jmu' Fatawa, volume 28, page 544. Allah dit dans le Coran, et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna et que le din soit totalement à Allah. Or, le din est l'obéissance. Dès lors, si une partie du din est envers Allah et une autre envers un autre qu'Allah, il sera obligatoire de les combattre jusqu'à ce que le din soit entièrement à Allah. Nous pouvons donc traduire le mot din par l'obéissance permanente ou la loi. Car la loi n'est autre que ce qu'on impose ou ce qu'on interdit. Et ceci n'est autre que l'obéissance. Et Allah est plus savant.